Maria, tu m'entends, c'est bon ? Oui, je t'entends. J'ai baissé un peu le... Ouais. Le delay. Bienvenue à tous aux entretiens de Grenoble. Bonsoir Maria. Bonsoir Nico. Bienvenue, merci d'être passé ici à Grenoble. Alors attends, on a des petits problèmes de secondes. Hop. Petit problème de fil, bientôt ce sera en Wi-Fi ou en Bluetooth, il y a un peu de problème. Voilà. Nickel. Alors Maria, c'est une émission un peu ad hoc, parce que tu es là, tu es venue à Grenoble pour jouer mardi. Oui. Pour mixer mardi à la Bobine. Pour une soirée au Stochastique. Oui, super. voilà, donc merci d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. Ouais, pas de problème. Hop, voilà. Je fais encore des petits réglages. Donc, on va discuter et puis passer des morceaux comme on fait toujours dans cette émission. Et voilà, je sais pas si tu aimes bien parler de toi, mais... Ouais, je vais peut-être me présenter. Tu peux te... le but de l'émission, c'est que tu te présentes. D'accord. Voilà, pendant une heure et demie. Voilà. Et puis qu'on écoute des morceaux que tu aimes. Ok. Actuel ou pas. Actuel ou pas. Il y en a certains qui sont pas très actuels, mais il y a. Tout est dans les 10 dernières années, ouais, donc ça va quoi. Ok. Donc tu viens de Barcelone ? Oui, en fait j'habite à Barcelone depuis maintenant 10 ans. Ouais. Donc je suis DJ depuis plutôt 15 ans. J'ai commencé à mixer à Paris comme DJ basiquement et électro. Donc c'était à l'époque... il y a 15 ans, c'était plus professionnel, mais je pense qu'il y a, en fait, quand j'ai commencé à plus intéresser à la musique électronique et j'ai commencé à mixer, mais d'une façon plus amateur, j'étais très intéressée sur la scène électro de Détroit. Ouais. Et... Première, deuxième. Ça marchait déjà, ou... En fait, c'était pas très connu, mais en fait, il y avait des magasins de disques à Paris. Je m'en souviens plus. Mais des gens qui avaient vraiment des liens et qui aimaient beaucoup les labels comme Puzzle Box, que c'était le label de Sheik Shakir, où il y avait beaucoup de disques de K1, de Aux 88. Ouais. Après, forcément, à ce moment-là et un petit peu avant, il a eu Doppler Effect. En fait, Doppler Effect faisait une deuxième carrière au moment où ils sont sortis leur double disque sur. Je ne me souviens plus le titre en allemand. Gesamtkunst, un truc comme ça. Oui, là, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais. Et c'était un double, ça. Ah, oui. Si, en fait, c'est un double qui était édité une première fois par Disco B. Une première fois par Disco B, très longtemps avant. Et Clone, il a réédité. Et Disco B de Munich. À Munich. Donc, j'étais très intéressé par cette scène, mais après il y a aussi la scène de Den Haag, de La Haye, qui était conformée par les labels Bunker, Clone, Vulex. Vulex, ouais. Donc à un moment donné, je me suis beaucoup intéressée aussi à cette scène, et après j'ai rencontré des gens qui avait sur ce label, genre Nancy Fortune, SYD, que c'était des Français qui avaient sorti des disques sur Vulex, et par intermédiaire de Grec, c'est SYD, parce que je l'ai booké une fois à Paris pour une soirée que je commençais à organiser et je l'ai booké pour une soirée. Et à partir de là, j'ai pu un peu rencontrer les gens, certains de Clone, de Vulex, et j'ai organisé des soirées deux fois au nouveau casino avec Mr. Polly et DJ Overdose, qu'à l'époque c'était Nova Man. Et voilà, c'était un petit peu le début de ma vie de DJ et ma vie d'organiser un petit peu. Quoi, voilà, 2007-2008, ouais. C'était la première fois où on a fait des soirées là-bas. Okay. Ouais. C'est là que tu as rencontré Marion Guillet. Exactement. Ouais. Exactement. J'ai rencontré Marion ces années-là. Peut-être elle n'avait pas encore vu Garanti, mais elle avait déjà commencé à mixer aussi. Ouais. Et on s'était intéressé par la même musique en fait. D'accord, elle était aussi dans l'électro. Ouais. Ouais. Okay. Là, c'est le moment de passer un morceau, je pense. Alors, donc, je vais voir la liste. Ouais. Et. Ok. C'est spécial. Donc. Là, j'aimerais passer un morceau d'un producteur que c'est Raoul. En parlant un petit peu de Clone Bunker, ouais. Il faisait partie des Acid Mercenaries, que c'est un duo qui est sorti sur Bunker d'abord et après sur Crème. Okay. Et maintenant, ça, c'est son projet solo à lui qui s'appelle Singularity AI. Donc, c'est récent. Oui. AI pour ouais. Artificial Intelligence, je suppose. Non, en fait, c'est autre chose, mais je ne m'en souviens plus. Okay. C'est un peu plus complexe. Okay. Oui, donc on va lancer ce morceau. Donc, Material Releases Its Energy. Uh-huh. Okay. Ah oui, ça, c'est électro. Ça. C'est un titre électro, je veux dire. Oui, on écoute ça. Non, ouais. C'est pas électro. En fait, c'est plus comme acide. Ok. Effectivement. Oui. Allez, on écoute ça. I'll miss you, baby. When you go out to wish upon a star some night, you've got a billion to choose from. Thank you. Marta Barcelona. Je sais pas comment on dit de en espagnol. De Barcelona. De Barcelona. Pardon, j'ai pas fait d'espagnol au collège ni au lycée. De l'allemand. Oui. Pas de chance. Bah ouais, c'est pour ça que tu pouvais bien dire le nom de l'album des Doppler Effect. Absolument, c'est ça. Oui. Et oui, voilà. Alors, on peut parler un petit peu de le morceau qu'on vient d'écouter, que c'est un morceau qui s'appelle Devil's Dance. Et ouais. C'est un producteur qui s'appelle Ossia. Il est de Bristol. Bristol, fait, oui. Ouais, il fait partie d'une scène très intéressante. Il est des producteurs qui viennent un petit peu de la ville du dub et du trip-hop, mais... Du dubstep. Oui, voilà, du dubstep. Burial, non, c'est ouais. Bristol. Non, pas sûr. Non, c'est Londres. Non, c'est... Oui, mais ouais. C'est, tu sais, tricky. Oui. Et après, il y a plusieurs producteurs qui font partie un peu d'un groupe qui produisent une musique qui est entre dub et drum and bass ou une espèce de 4-4 ouais. Techno, mais... avec une structure assez différente et assez originale. Et là, c'était, ça rentrait un peu dans ces catégories, ce dernier morceau. Non, pour moi, ça faisait plus un peu comme de morceau, oui, là, le morceau. C'est marrant parce que... Tu vois, à la fin, là, avec la oui, la avec basse, la basse. Ouais. Ouais. Ouais, bon, ça... Oui, non, mais c'est ça qui est intéressant parce que je trouve que dans la musique de ces producteurs, plus tard on va écouter un autre ouais. Qui s'appelle Pessimiste. On retrouve plein de choses dedans. On retrouve. On pourrait faire la relation avec plein de rythmes et plein de choses parce que ça appartient pas. Vraiment un genre de musique et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et c'est sombre quoi quand même. C'est sombre après. Tout ce qui sort de Bristol est assez, oui. Assez sombre et, oui. Et voilà. Ou tragique quoi disons même. Oui oui c'est marrant. Ouais. Mais ouais, si ouais. C'est ouais. Mais bon. Moi j'aime bien ce genre de couleurs dans la musique. Ouais ouais. Ouais. Et après, claro. Tu nous amènes quoi? Eh bien, un truc sombre aussi, c'est la nouvelle sortie. Alors, c'est pas Stochastic Releases, c'est sur le label New Array, voilà, qui est un collectif dans lequel dont je fais partie. Et donc, c'est un disque de Silent Manifesto. Voilà que j'avais invité ici, qui officiait avant sous le nom de Ned Flanger, voilà qui a changé de pseudo, non, comment on dit, qui a changé de nom de scène, de moniker, donc, mm-hmm. Voilà. Et qui s'appelle maintenant Silent Manifesto et qui a voilà donc le disque je suis allé le chercher vendredi, il est là, il est disponible à la vente sur Bandcamp. Et là je vais mettre le premier morceau de l'album. Qui s'appelle Underneath the Valium Waters. Voilà, donc c'est pas très marrant, c'est à la mauvaise vitesse. Voilà, Silent Manifesto. C'est électro pour le coup. 100%. 100%. Thank you. celular que hacer. Ha sido preparado desde la niñez. ¡Esta es la única verdad! La escuela te enseña a no resistir, a obedecer, a ser uno más, a matar al cuarto en oportunidad. Luego el ejército te hace un nombre, un número en vez de un nombre. Sigue tu líder, vos conmigo, tú vas a ver porque has elegido. Y estás listo para trabajar, rendir, producir y luego acabar sentado en un banco del parque, pensando quién eres el donde falleste. Y nuestros compañeros os lo agradecemos, incluido Néstor, el Fibor. ¿Qué es que le di? Néstor, el Fibor. Néstor, el Fibor. Bueno, que les agradezco et qu'on vous remercie, ouais. Incluido Néstor, amis. El Fibor. De quoi, pardon? Qu'il remerciait, okay. Le public. Donc ça, c'était l'aviador Dro. Qu'est-ce que ça veut dire, Aviador Dro? Bueno, Aviador Dro, en fait, c'est un titre qu'ils ont pris d'un poème, mais c'est pas ça veut... En fait, un aviador, c'est un aviateur. Ouais. Oui. Et Aviador Dro, c'est en fait, c'est le nom de l'aviateur. Ce titre, non, en fait, c'est pris d'un titre d'un poème, en fait. Mais Dro, ça veut dire quoi? Rien. En espagnol? Ah ouais. Dro, non. Ça veut rien dire? Non. Ça veut dire rien ou ça veut rien dire? Non, ça non. veut rien dire. Plutôt rien dire. Ok, ok. D'accord. Et la canción s'appelle Vivir para morir. Ouais, ça on comprend. C'est... On comprend ce que okay. ça veut dire. Ah, on vit pour mourir. Yes, yes, yes. C'est sûr. C'est sûr. Et on tousse pour vivre. Ouais. Pardon. Et alors, on va continuer sur ton parcours, si on peut. Ouais. On peut, ton parcours de vie, je voulais te dire. Ah, ok. Parce qu'on a commencé tout de suite à parler des années à Paris. Oui. Voilà. Si tu veux. Hein. Oui, oui, oui, oui, je veux bien. Bon. Donc, ça, c'est, on est en 2008 et après, toi, tu es resté combien de temps à Paris? Je suis resté jusqu'en 2013. Ok. Donc, à un moment donné, oui. Donc, à un moment donné. Et tu mixais beaucoup ou tu as réussi à. En fait, ce qui s'était passé à Paris, c'est qu'à un moment donné, oui, on. Il y a eu un moment où je me suis affiliée à deux labels. Il y a un label qu'on a fait avec mon ex-copain, que c'est une personne qui fait partie d'un label qui est d'un label techno en Autriche qui s'appelle Pomelo, qui c'est un très vieux label. Qui fait partie un petit peu de l'histoire de la techno en général, parce que en fait c'est un vieux label et qui avait travaillé avec des artistes assez importants dans la scène en général, dans la techno comme le son, par exemple Electric Indigo ou Atomtem ou DJ Stingray. Ouais. Ou Dalodi, que c'est un de ses fondateurs, c'est un de ses owners, et Alex Cortex, c'est un producteur allemand. Donc à un moment donné, j'ai travaillé avec le label et j'avais aussi organisé des soirées, et en même temps, en parallèle, on avait monté un autre label qui s'appelle parce que le label il existe encore. Je ne travaille plus avec le label, mais il existe encore. C'est un label qui s'appelle Shadow Records. Ouais. Donc, au moment où on avait commencé à travailler avec des artistes pour sortir des disques et faire des soirées, c'était un peu une autre histoire. Parce que quand tu organises des soirées, bon. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais un peu arrêté juste de tourner comme DJ, juste. Ouais. Et j'avais aussi l'organisation des soirées. Ouais, voilà, organiser des soirées, ouais. Mais aussi faire les sorties, travailler sur le design, des pochettes. Et ouais, voilà, j'ai fait plutôt ça jusqu'à un petit peu 2013. Après, je bouge à Barcelone. Et j'habite à Barcelone depuis 10 ans maintenant. Et à Barcelone, il s'est passé beaucoup de choses, en fait. C'est marrant parce que c'est une ville où j'ai fait pas mal de projets en produisant de la musique avec d'autres personnes. Et j'ai fait aussi partie d'un collectif d'art contemporain où j'avais développé comme des ouvrages qui étaient plutôt basés sur du son et sur de la vidéo. Ouais. Et après, j'ai partagé des formations. Par exemple, il y a une qui est très importante pour moi, que Nicolas il connaît parce qu'il m'a rencontré à ce moment, que c'est Hamas. Hamas, que c'était un duo. Nicolas, un peu... c'est moi. Ouais. Si, c'est okay. toi. Ouais. Je connais. Donc. Ouais. Ouais, parce que je parle à toi, mais je parle aux gens. Oui. et du coup, ouais, Voilà, et donc il y avait... Excuse-moi, on va revenir en... Pourquoi tu as déménagé à Barcelone? Pourquoi Barcelone, en fait? Pourquoi pas... Barcelone? Parce que Barcelone, c'était une ville... Tu avais déjà des contacts là-bas ou... En fait, c'était une question familiale, parce que mon copain avec qui on avait développé, il travaillait avec ses labels, et il a deux enfants qui habitent maintenant encore à Barcelone. D'accord. Et du coup, c'était une question plutôt familiale, parce que moi aussi, j'ai une fille, mais à un moment donné, c'était un peu problématique d'être toujours en train de bouger d'un endroit à l'autre. Donc, du coup, on a voulu un peu regrouper famille à Barcelone. Ok. Ouais. Très bien. Et tu parles espagnol. Oui, c'est en pas... plus, c'est mal. C'est pas un problème. Ou du moins catalan aussi, non? Non. Non. Non. Pas un peu. Ouais, à force, mais. Si, non, mais c'est. Non, pas plus. Au moment où tu peux t'exprimer dans une autre langue, c'est compliqué d'apprendre une autre. C'est pas comme. J'étais obligée d'apprendre le français en France parce que j'avais pas une autre langue pour fonctionner. Ouais. Tandis que. En Espagne et en Catalogne, si tu parles espagnol, tu peux toujours tout faire. Donc, c'est assez difficile de dédier. Il n'y a pas des choses fermées parce que tu ne parles pas catalan, par exemple? A priori, non, quand même pas. Non, je ne me sens pas comme ça, en fait. Je sens que oui, que peut-être pour sur certaines choses, par exemple, travailler... Je sais pas, pour avoir un meilleur morceau de fromage ou... non. Ou je sais pas quoi, une meilleure table au restaurant ou non. Non, je sais pas. Pour l'instant, non, ça va. Bon. C'est pas le pays du fromage non plus. Non, mais c'était un exemple. Plutôt pour avoir accès à des choses. Bon, bref, c'était des exemples non, culinaires. Mais oui, il y a une chose, c'est peut-être que tu ne peux pas travailler. pour avoir avec de l'argent, par exemple. Tu peux avoir de meilleurs boulots. Par exemple, travailler l'éducation nationale. C'est quelque chose que je n'ai pas pu faire, que j'aurais pu faire parce que j'aime bien aussi travailler dans des écoles et tout. Mais il faut avoir quand même un certificat, une certification assez importante. Tu vois, c'est pas juste parler catalan. Ouais, d'accord. Ok. Très bien, merci. On reviendra sur ta vie. On va passer à un disque. Oui. En fait, on va passer un disque d'électro. Et c'est d'un producteur. On va passer I Belong to the Past. En fait, c'est un producteur suédois. Il s'appelle Lukas Gogel. Et l'autre, je pense. Il s'appelle Lukas Gogel. Beaucoup. En fait, c'est un disque. Si vous écoutez des petites sons de traces de. C'est pour ça, mais c'est I Belong to the Past, Lukas Gogel. Electro. Thank you. vas mixer mardi après-demain à la Bobine. Oui. De 22h30 à 1h30, je crois, oui, à peu près. Voilà. Plus ou moins. Oui, je crois, oui, que c'est ça. Génial. Voilà pour la soirée Apéro Mix. C'est, oui, le nom de la soirée. Oui. C'est gratuit, ça se passe au bar. Voilà. Ouais, donc on se voit au bar. On se voit au bar, ouais. Ouais, ouais. Ou on te verra du bar. Oui. Ouais, donc il y a un live de Mulan Serico avant et de Léonard Lampion. Voilà. Donc venez tôt si jamais vous voulez venir, parce que les concerts vont commencer à 20h30 ouais, pile. Voilà. Les cours de concert commencent tôt, ouais, pour que les gens viennent tôt, apparemment. Ouais. Voilà. Mmh. Voilà, donc ça durera une heure chaque concert et ensuite toi tu enchaînes voilà, sur, ouais, le avec mix, le mix. Donc voilà. Tous les morceaux que vous avez écoutés aujourd'hui font partie de ce que vous allez écouter mardi. Yes. Donc, enfin, les tiens, quoi. Oui. Ce dernier, non, morceau, oui, ce dernier, non, non, morceau, non. Mais je pourrais te le donner. Oui, voilà. Mais tu peux le présenter. Voilà, alors je le présente, c'est Anthony Rother. Donc l'Allemand originaire de Francfort, si je ne m'abuse, ou qui habite à Francfort en tout cas, qui a sorti un album il y a deux ans, qui s'appelle Decathlon, et le morceau s'appelle Neon Space. Voilà, un morceau super morceau, ouais, très très prenant, qui faisait, on le disait, penser, mm-hmm, à Tangerine Dream, enfin dans le un peu dans le, ouais, côté un peu comme le début et... le début, ouais. Le côté répétitif, un peu, voilà. Et des synthés avant la percu, ouais, très... très, très, très chargé. Ouais. Voilà, qu'est-ce que... Anthony Rother qui va sortir un nouvel album bientôt, je crois, apparemment. C'est ce qu'il a dit sur... D'accord. Il fait des petites vidéos, t'as vu, sur Instagram. J'adore. Vidéo, bah, dans son studio. Son studio, c'est mortel. Ouais. Il est vraiment... Il a du matos. Oui. Voilà. On dirait, ouais, un vaisseau, ouais, spatial. Ouais, ouais. Et voilà, non, c'est bon, bref. Et il est marrant, il a des gestes assez drôles, je trouve. Ouais. Voilà. Toi, tu l'as vu, tu l'as dit. En fait, il s'était présenté à l'Ombra Festival, que c'est un festival qui a lieu à Barcelone, qui, en fait, c'est un festival dont la musique, elle est, comme son nom le dit, très sombre. Ouais. Donc ça va de l'électro, il y a certaines choses un peu plus industrielles ou, ouais, ou techno, ouais, très EBM, très dur, ouais, très EBM aussi. Ouais. Donc ça c'est un petit peu le range, ouais, ouais, de festival. Le, et Anthony Rother, les nuances de noir, quoi. Voilà. Anthony Rother, il a fait un concert au Forum qui était magnifique, quoi. Uh-huh. Oui. Ouais, en fait, c'est un set hybride, ouais, et entre vraiment set live à 100% et une partie que non, plus une partie qui est, oui, si un peu mix, parce qu'il a un peu tous ses morceaux, mais c'est, je pense que c'est plutôt la dénomination, c'est plutôt parce que aussi la menano, c'est-à-dire il y a un ordinateur. Donc, mais après. En fait, il mixe, il joue que ses morceaux. Il joue que ses morceaux. C'est un moyen de mixer ses propres morceaux. Tout en apportant une petite ouais, modification qui fait qu'il ne fait pas que mixer ses propres morceaux. Quoi. Exactement. Après, je ne sais pas sur quel logiciel il le fait, mais c'est vachement bien. Quoi. Je suis pas sûr. C'est Anthony Rother. Ouais. C'est pas Rother. Ouais. Rother. Oui, Rother. Rotterdam. Donc. Ouais, ouais. Et on enchaîne avec un morceau de Ossia. De Ossia, encore, ouais, un morceau de Ossia qui est sur vinyle. Bristol toujours. Ouais. Bristol toujours. C'est un morceau aussi qui fait un peu, comment dire, qui est assez. Il fait honneur à ce que j'ai dit avant par rapport au travail de percussion ouais, typique de de certains morceaux, de certains producteurs des années 2000 de cette vague de Pistol. Okay. Ouais, d'accord. Okay. Donc okay. On écoute. Ok, oui, on écoute. Voilà. C'est du 33 tour. Oui. Alors, attends. Hop. 45, c'est. Allez, c'est parti aussi. Hein. We'll be right back. it's my future on the line. While you bitches shop and dine, I didn't ask to be born into a disaster porn. Remember the film Titanic? How that rich dude was such a dick. People were glad to see him drown. They'll feel the same this time around. Up in first class, champagne flows. No one says what everyone knows. Into the deep they'll soon descend. Party until the bitter end. Overshoot. My future's on the line. Overshoot. While you shop and dine. Overshoot. The end begins. Overshoot. No one wins. The wealthy play at being tough. Private islands won't be enough. Hungry people do what they must. Mansions will be quick to combust. Ostriches in fancy headphones, canceling inconvenient moans. Eyes averted from evidence. Full speed ahead with decadence. Polar ice caps shatter and melt. Securely fasten your seatbelt. Impact implies too late to turn. Nothing to do but crash and burn. Overshoot. My future's on the line. Overshoot. While you shop and dine. Overshoot. The end begins. Overshoot. No one wins. Overshoot. My future's on the line. Overshoot. While you shop and dine. Overshoot. The end begins. Overshoot. No one wins. Is a cruel joke. Overshoot. My future's on the line. Overshoot. While you shop and dine. Overshoot. The end begins. Overshoot. No one wins. Overshoot. My future's on the line. Overshoot. While you shop and dine. Overshoot. The end begins. Overshoot. No one wins. Oops. Oops. Yeah. Oops. So I want to apologize. We need for certain reasons to talk in English. In English. Yes, for yes. A little bit. Because it's a double program now because yes. I am making a pilot for Nuts Radio from Bristol. So we were recording both that last 30 minutes or 15 minutes. Yeah, 15 minutes. But we can go longer, you know, it's no problem. Okay, yes, but yes. We had before, we had two tracks, so we can count that. Yes. This is into the emission, into the program for notes. Sure. Okay. Yes. It's for that. So we were listening to, well, you can present the Chris Korda. Yes, so we were late to be on air because I was talking about this album by Chris Korda called Apologize to the Future, which was released by this Swiss label, I forgot the name, Mental Groove, I believe. Mental Groove, yes. So it's kind of the comeback of Chris Korda in these recent years in the club scene, I mm-hmm. believe, because so she was with the Gigolo team. Yeah, she was with the Gigolo team, and yes. then it was I was telling you that the first time I saw her in like listening in live, it was for Fête de la Musique in Paris, and yes. it was at Place de la République, and it was like it was a concert, mm-hmm. and really. And it was 2000. 2004, yeah. maybe. Yes. Yes, yes like yes. long yes, time yes, ago or yes, three. Yes. And yes, so she apparently she stopped making music. She was designing software, I think, or she was working for a software company. Mm-hmm. And she came back like a few years ago, maybe six years ago, through, I don't know exactly if it's thanks to the art world, but yeah. she had a few shows. Like in a contemporary Paris. Work and his conceptual. Yes, church. Yeah, Church of Orphanas. Church of Orphanas. That yes, is actually so actually super interesting. Yes, yes, she oh. was. Yes. So this album is. It's not a dance album. It's more, I think, a political album because all the tracks are about the not the climate change, but the problems that humanity caused to the earth and the climate. So this track was Overshoot. Which means that overshoot, it's when you do something too much, then it goes over a certain limit, and even if you want to stop, you cannot stop because you still live the consequences of what you have done before. And yes, so it's a very moralistic album, yes, but, but in a very smooth way. Yes. Yes. Chris Korda. Yeah. Thanks. Thanks, Chris. Yes. We love you. We love the Church of Euthanasia. Yes. Really. We are too much in the world. Yes. All right. So now we continue with the program in English, and now we are going to be more focused in talking about Nicolas. And his label Stochastic Releases. Yes. And yes, I love the label. Actually, I met the label with you. Yes. I'm gonna talk about how I met Nicolas. I met Nicolas in Paris, and it was by a common friend, who is Marion Guillet from Big Guarantee. And yeah, and then after that, Nicolas came to Barcelona, and he was like presenting me all the Stochastic releases, and I have some EPs LPs at home, even. LPs, yeah, EPs and even and LPs. And LPs. Yes. Yeah. So when has the label and how it has begin? So the label started in 2008. So there is a kind of a bit of a story behind the label. Why the name Stochastic? Yes. So I was doing a postdoc in the US in corrosion, and I was studying localized corrosion. And anyway, one of the methods to study corrosion is called electrochemical noise. Mm-hmm. So basically, you try to listen to the corrosion happening. Okay. Yes. And so I was trying, and one way to describe the corrosion process is to consider that it's a stochastic process, basically a random process. Mm-hmm. So I was trying to make this device which could make the corrosion audible, but I was not good enough in signal analysis, and because I was a chemist, so no. Yeah. So I tried to make something, but it didn't work. So I because I wanted to release noise tapes that would be the noise of the noise made by different samples in different environments. Mm-hmm. For example, a steel sample in fluoridric acid or blah blah blah. Okay. So that was my point, but it didn't work. So I said, okay, I'm just going to have a label, and I want it will be stochastic in the sense that I will not stick to a specific aesthetic or music. I will just release music that I like. Yes. From people I know. Okay. So, okay. Yes. That's nice. So it's 2008. Okay, 2008. Yes. How many releases? No. Quite a bit, a few tapes, mm-hmm. maybe I don't know, maybe 10 or 15 tapes, uh-huh. And maybe 10 records also. Okay, records. Yes, something like some CDs, two CDs, and yes. Okay, and what about? I don't know exactly. Okay, yes. And what about the logo type? The logo is It's the picture of a girl who was doing a PhD in Israel, in Tel Aviv, I believe, about a PhD in finance, because the movement of the financial trading. Yes. Like the trading market, so yes. Yeah, so okay. The one way to try to predict this movement is to consider it a stochastic phenomenon. Uh-huh. So she was doing his PhD in finance, considering financial movements as movements. A stochastic process. Okay. So I just took the picture. Yes. Without her permission. Yes, no. I must admit. No, but it's yeah, okay. But right. I yes. But okay. She didn't complain. I'm sorry. I never thought it would be a problem, because I never thought I would be big enough so that it's a problem. I don't know. No, okay. I don't know. I hope. It's very funny. It was and it's very like a naive. Photocopy. It's not. It's very like. Yeah. Sloppy. So it's okay. It's very nice. I love it. Thank you. My apologies. So now, I would like to talk about the Tuesday. You have the stochastic releases event at La Bobine. Yes. And there are two live acts. One of the live acts is Mulan Serrico. Yes, exactly. So it's one, if I have understood about your process as a producer, you have various monikers. Yes. So Mulan Serrico, it is corresponding to certain stuff. How can you describe Mulan Serrico? It's easy. It's the one when I sing. Okay. So, yes, okay. It's the singing one. Okay. Yes. And it's the, because when I started music, I was doing songs, very simple songs on the keyboard and singing. Mm-hmm. So it's basically the most, the oldest way for me to make music is composing songs and singing songs. Okay. Yes, I came to electronic music afterwards. Okay. So in Grenoble, actually. Yeah. Yes. So can we hear some Lazarica song now? Yes. We can. What do you prefer? I'm recording a new album now, but it's not finished. So I'm just going to. Maybe I can play a live recording, maybe. Yeah, of this the, could of be the, nice. This is what you want. Let me try to find it. Like to make an introduction to that what could happen. Yes, yes, yes. Yes. Could be yes, representative yes. of. Yes, yes. Of the life. I have to concentrate. On Tuesday. But yes, yes. Okay, live. Yes, here. Okay, Milan Serico live. Let's see. Great. If it's working. Je vais commencer le concert. Very Merci good. À tous. Yeah. C'est bon, j'ai appuyé. Mulan Serico, je vais jouer que des nouveaux morceaux. Alors soyez indulgents ou pas. Bernard Lampion et Unchained, Camille, Haïdé et vous tous, bien évidemment. Bien évidemment. Le premier morceau parle de chat GPT. Attendez les paroles. Voici la circularité, il ne s'agit plus d'éternité. Je pense à des solutions abstraites, à des problèmes devenus obsolètes. Ce morceau fut écrit avec ChatGPT. Plus besoin de souffrir, plus besoin de penser. Il suffit de donner quelques indications. Pas besoin de sentir, pas besoin d'émotion. Dès lors, la singularité est-elle dissoute, est-elle encore souhaitée? Si tous les textes sont déjà formulés, comment stimuler les nouvelles idées? Ce morceau fut écrit avec ChatGPT. Plus besoin de souffrir, plus besoin de penser. Il suffit de donner quelques indications. Pas besoin de sentir, pas besoin d'émotion. Je suis ce que je dis. Je lis ce que je suis. Je suis ce que je lis. Je lis ce que je suis. We'll be right back. une machine vampirique qui se nourrit du monde, qui n'est qu'illusion et tristesse profonde. Un classeur gigantesque qui permet le contrôle, qui prédit les déviances, ça n'est pas vraiment drôle. Ce morceau fut écrit avec ChatGPT. Plus besoin de souffrir, plus besoin de penser. Il suffit de donner quelques indications. Plus besoin de sentir, plus besoin d'émotion. Je suis ce que je dois être. Je dois être ce que je suis. Je suis ce que je dois être. Je dois être ce que je suis. Voici la circularité, il ne s'agit plus d'éternité. Je pense à des solutions abstraites, à des problèmes devenus obsolètes. Yes, merci à tous d'entendre le morceau. Blablabla. Voilà. Bon, c'est un... Yes. Sorry, it's a so, good. So we continue in English. Yes. Yeah, we have the proper French introduction. Yes. And offline. So there is no better introduction of what will be heard on Tuesday, because. No. I mean, this is exactly what you will be hearing on Tuesday. I would say the exact same things and everything. Same jokes. Okay. Yes. So it was important. I was asking to Nicola about the fact of the how Moulin Serico is like a project with a very with a very romantic identity. For me, it was not. Perception. So, well, what can you tell me about it? It's if you think that romantic in everything, I think it's so like it the color of the music, but yeah, also it's the sorry, I'm just no. It's if you think romantic in the way the different the chords, the various the type of chords. Yes, it's about the chords, but it's about the fact on how you can explain things about something, about like you are talking about ChatGPT. repetir. Yes, yes, bueno, it's but not, it's like, it, how can that... Well, it's just that I never found a way to... I never found... So joy is not a feeling that creates anything interesting for me. Okay. So I, if I, my natural tendency is to be sad and pessimistic. Not sad, just to be sad, but to consider. Well, this song is. I'm trying to go away from this kind of repetitive sadness and nostalgic view that I have on things. Okay. So when I make a new song, I play on the piano and I only certain chords sequence are pleasing my ears. Yes. But I'm trying to fight this to find new new harmonies, yes, new chords, to try to find the new. I want to give a new feeling, not only the romantic side or the nostalgic side, okay, or the sad side. I'm trying. It's not, you cannot hear it on this song. No. But maybe on the next. On the next song. To give to not to be simply nostalgic. You know? Yes. Yes, I have heard some tracks of you that it's like you also try to go in that other way, and it could be like not enough sarcastic, but it's like more like joking in some way, not enough, but yeah, it's the impression I have that sometimes, because you. It's like going into a kind of oblique way. Yes, exactly. Yes. Or for me, it's more like a little bit aside. Yes. Like going parallel, but not inside. Yes. I'm very serious and about what I say. Yes. It's really because I think for me the songs are, each song is kind of. Solving a problem or presenting a problem. Yes. So it's very serious. Everything I say, there is no irony at all. Okay. Zero irony. No, yeah. But it's I'm trying to be funny in between because I don't want to be just sad. Just. Yeah. Yeah. No. Yeah. Okay. I'm heavy. So it's I'm very serious, but I'm also trying to not to be too serious. Okay. It's a serious thing not to be too serious. Okay. But, so you would like to show us another part of the live yes. The live performance. Maybe the end of the concert. Okay. Which is very emo. Very this song could be good. Nous allons. De l'exploitation, de la soumission, fin des profits pour un petit nombre, fin des crédits pour le plus grand nombre. se réjouir. Plus de pratiques extractivistes, court-termistes, nihilistes. Plus d'industrie, de produits finis, de technologie, de néophilie. Peut-on vivre sans circuits imprimés? Comment faire sans électricité? Il faudrait s'arrêter de produire. Il faudrait ne pas se reproduire. C'est un peu moraliste, mais non, en fait, c'est pour mettre en exergue les. Blablabla. Yeah. Sorry. No, no, it's interesting because it's yes. That you, that we don't have to reproduce ourselves as human, but you are reproducing a lot. Yes, I'm reproducing the sentence. Yes, exactly. It's. Some yeah. kind of paradox. Yeah, thank you and thank you, no? Yeah, like yes. Like the end, thanks for inviting me. Yeah, you're welcome. Yeah. Thank you. Thank you. Super nice to make this program and share all this music. Yes, yes, it was very nice. We didn't talk enough about you, but maybe next time. For next show. Yeah, yeah. But when you want, and then if I have, because this is the pilot for Nuts, I have yes. my program in Nuts, and Nuts. I would like to invite you okay. and invite Stochastic Releases. All right. Thank you. Thank you, everybody. See, so yes. bye. Bye-bye. Have a bye-bye, nice everybody. Night. Bye. And come come Tuesday if you are in Grenoble. Yes. Come. Early. Come early. Come early. Hop là.